Voici votre bulletin régional. Rencontre Bambin Futé, 12 à 24 mois, organisée par le relève du Haut-Saint-François et Naissance Renaissance Estrie, le 21 mars, 11 et 25 avril, de 9h30 à 11h30, au Centre culturel de Istinguis. 20$ pour la série de 3 rencontres ou 10$ par rencontre. Informations et inscriptions au 819-86-1508 ou à larelevehsf@hotmail.com. Dimanche 22 mars, à partir de 11h, au sous-sol de l'église de Saint-Isidore de Clifton, venez vous sucrer le bec au brunch cabane à sucre de la fabrique. Activité mijoton ado à la salle Guy Veilleux de Crookshire le 22 mars. Comme le nom le dit, ça s'adresse aux ados. Pour cuisiner et apprendre à cuisiner. Informations et inscriptions au 819-86-1508 ou larelevehsf@hotmail.com. Quatrième clinique impôt offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à Istinguis le 23 mars de 13 à 16 heures et de 18h30 à 20 heures à la Maison des jeunes à Timage, ancienne Légion canadienne, 268 Saint-Jean-Ouest. Une formation intitulée « Établir des politiques et procédures de crédit » est offerte par la CACD du Haut-Saint-François le 31 mars de 8h15 à 16h30 au 47 rue Ingus Nord, Istinguis. Coût 35$. On doit réserver sa place avant le 23 mars au 819-832-2447 ou sans frais au 1-877-473-7232.